Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et après cette découverte des comportements humains avec le professeur Luc-Alain Giraldo, nous allons plonger dans une double aventure humaine, celle de l'explorateur Franklin et celle des chercheurs qui sont allés à la recherche des épaves. Et c'est Marie-Claude Dionne qui nous raconte cette aventure. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors le mois passé, j'ai assisté à la conférence d'ouverture de la journée du SIG, qui est les systèmes d'information géographique à l'Université Laval. Et durant cette journée, il a été possible de voir différentes applications de cette technologie géographique qui passent entre autres de la gestion du trafic à la reconstruction d'objets en trois dimensions. Mais la conférence d'ouverture nous offrait une autre application, la découverte des fonds marins grâce entre autres au sonar. Et cette conférence donnée par Marc-André Bernier, archéologue et gestionnaire de l'équipe d'archéologie subaquatique chez Parc Canada, nous a présenté les découvertes très très récentes de deux vieilles épaves dans l'Arctique canadien. Bernier a expliqué comment l'équipe d'archéologues a finalement retrouvé la localisation des deux bateaux de l'explorateur britannique John Franklin. Ce dernier avait disparu avec son expédition dans le Grand Nord en 1845. Ben, on a hâte de voir comment Bernier a fait, mais auparavant, est-ce que tu pourrais nous mettre un peu dans le contexte de l'époque et nous dire qui est ce Franklin, puis qu'est-ce qu'il venait faire en Arctique? Oui, en fait, c'est une histoire qui gagne un connu, parce que moi, j'étais vraiment pas au courant de cet événement-là. Faut retourner un peu dans le temps avec les débuts du 16e siècle, là où les Européens cherchaient un passage direct vers l'Asie. Les voyages de Cabot, de Cartier et un peu plus tard celui de Frobisher sont tous des tentatives de trouver un chemin plus rapide pour les Européens vers la Chine. L'hypothèse est arrivée assez rapidement que le nord du territoire canadien offrait une voie maritime vers l'Orient. Et plusieurs explorateurs ont cherché à traverser les îles arctiques du Grand Nord canadien. Et c'est avec cette idée en tête-là que John Franklin, un officier de la marine britannique, a été envoyé en 1845 de l'autre côté de l'océan Atlantique. Il va partir à trois reprises pour localiser et traverser ce passage et il va malheureusement y laisser sa vie. Et au cours de ses expéditions, il va cartographier près du deux tiers de la côte nord de l'Amérique. Une importante contribution pour la géographie à l'époque. Et l'expédition de 1845 ne reviendra donc jamais à bon port. Et puisqu'il n'y a eu aucun survivant, mais il n'y a personne qui pouvait vraiment savoir qu'est-ce qui s'était passé avec Franklin et son équipage. Toute cette histoire-là était très, très mystérieuse, disons-le. Mais est-ce qu'il y a eu des équipes de sauvetage qui ont été envoyées pour essayer de porter secours, de savoir ce qui leur était arrivé à ce Franklin et les navigateurs? Oui, en fait, des traces de l'expédition de Franklin ont été retrouvées par le capitaine anglais Robert McClure en 1848. Et ce dernier a même appris de la part des Inuits que les bateaux de Franklin avaient été pris dans la glace dès 1846, près de l'île du roi Guillaume, qui est sensiblement en plein milieu du passage du Nord-Ouest. On a, disons qu'il faut attendre quelques années par la suite, là, c'est 1981, pour avoir d'autres découvertes. C'est par l'anthropologue de l'Université d'Alberta, Owen Beatty. Lui va retrouver les corps de trois marins qui l'a exhumé du pergélisol, donc un terme géologique pour indiquer une partie du sol qui est gelée en permanence sur au moins deux ans de suite. Il les a retrouvés sur l'île Beechey, qui est à peu près 800 kilomètres au nord de l'île du roi Guillaume. Il a fait des tests en laboratoire sur les restes des ossements humains et les tissus humains et on a trouvé, ça l'a indiqué qu'on avait une grande concentration élevée de plomb. De plomb qui viendrait de la vaisselle qu'ils utilisaient? En fait, des canages. On en a déduit qu'ils avaient probablement mangé des canages qui étaient souillés par le plomb qu'on utilisait à l'époque pour fermer, renfermer les cannes. Et disons que c'est pas un empoisonnement qui a vraiment aidé des hommes qui étaient un peu déstabilisés. Fragilisés peut-être déjà par le froid. Exactement, ce qui peut expliquer pourquoi on les a retrouvés au nord. Un peu loin, si on veut, de la civilisation. Donc, une indigestion par ce plomb, probablement. Et alors, donc, on a retrouvé ces corps, mais on les a retrouvés dans le pergélisol, mais ça, c'est pas la mer, ça nous dit pas où sont les navires. Non, c'est vrai. Donc, en quelle année, quand est-ce qu'on a retrouvé les navires de Franklin? On a finalement localisé les bateaux en 2014 et en 2016, donc ce sont des découvertes assez récentes. Ouais. C'est sûr que j'ai pas beaucoup d'informations non plus à divulguer, mais quand même assez pour savoir que en 2014, des chercheurs qui étaient sur le Investigator, un bateau de recherche chez Parc Canada, ont finalement localisé les restes du navire Erebus, suite, entre autres, à la découverte d'objets sur la terre ferme par des archéologues du Nunavut qui laissaient présager... C'était dans ce coin-là. Exactement. On s'est dit qu'on allait vérifier et, ben, comme de fait, avec un véhicule sous-marin opéré à distance, on a pu aller voir l'épave qui était sous l'eau et en allant chercher des vieux plans de l'époque de la construction des bateaux du HMS Erebus et du HMS Terreur, les deux vaisseaux de Franklin, les archéologues ont pu reconnaître que l'épave en question qu'on avait trouvée était l'Erebus. Parce que là, tu parles du HMS Erebus, du HMS Terror, on suppose que les deux se ressemblaient? Exactement. Oui. À l'époque de leur construction, pour ceux qui ne s'y connaissaient pas du tout, là, ça semblait être le même bateau. Mm-hmm. C'était vraiment il n'y avait pas une grosse différence. En fait, c'est deux bateaux de type bombarde qui semblaient être justement des navires jumeaux parce qu'ils étaient comparables en grosseur, en couleur, en mât et en gréement. Mm-hmm. Il a donc fallu vérifier minutieusement, disons, les dimensions parce que la différence entre les deux bateaux était au niveau des pouces. Donc, pas des différences en largeur, en mètres. Là, c'est vraiment très petit. Et entre autres, c'est le mât de Beaupré, le mât qui est à la proue du bateau, donc à l'avant du bateau, qui a pu confirmer l'identité du Erebus. Et on a assez rapidement trouvé une cloche aussi. Lorsque les archéologues ont plongé sur l'épave, c'est une très belle découverte, une belle trouvaille. Parce que la cloche d'un navire est souvent considérée comme l'objet le plus emblématique d'un naufrage, si on veut. Elle est la représentation physique, oui, du bateau, mais elle est aussi le cœur et l'âme même du navire. La cloche, elle est en très bonne condition, elle est intacte, puis on a même retrouvé deux marques estampées, dont une large flèche qui est le signe de la Royal Navy, indiquant donc un genre de propriété, si on veut, au gouvernement britannique, mais aussi la date de 1845. Mm-hmm. Ah oui. Mais là, on est en pleine archéologie subaquatique, qui doit quand même être assez différent de l'archéologie pratiquée sur Terre. Tout à fait. Et puis, pour l'équipe de Parc Canada, les fouilles archéologiques en plein climat arctique n'ont pas dû être non plus faciles. Donc là, on a deux conditions faciles, climat arctique et archéologie subaquatique. Oui, c'est une double difficulté. Oui. Mais c'est qu'en fait, on arrive dans un environnement où les glaces sont toujours présentes. Ça permet pas de se déplacer facilement, de se rendre... De regarder ce qu'il y a sous l'eau. En plus. Et les glaces... éventuellement vont se défaire, vont partir avec l'été. Donc, on va avoir quelques semaines. Mmh. C'est une petite période de l'année où ce qu'on peut finalement se rendre partout, se frayer un chemin entre les terres. Un petit plus, si on veut, c'est que les journées sont toujours illuminées parce que le soleil ne se couche pas pendant ces semaines d'été-là. Mmh. Ça permet donc d'avoir des plus grandes journées de travail ou de plongée, si on veut. Les archéologues ont fait 7 plongées étalées sur 2 journées. Et même si la visibilité était réduite sous l'eau, parce que veux, veux pas, on n'a pas un eau de la mer des Caraïbes, on voit pas super bien, les plongeurs ont pris les mesures de l'épave, ont pris des photographies en haute résolution, aussi un vidéo, tout pour documenter le mieux possible le site archéologique en soi. Sur un site archéologique terrestre, il n'y a vraiment pas de limite de temps. On peut se permettre de fouiller à toute heure si on veut, mais vraiment qu'on a du soleil, on peut se rendre là le nombre d'heures qu'on veut. Ici, avec un site sous l'eau, les plongeurs peuvent passer qu'un certain moment par jour à être sous l'eau. On peut pas faire du 12 heures là en plongée. Aussi, on a remarqué assez rapidement que le site archéologique est en proie à l'introduction de bulles d'air causées par justement les plongées, avec les bonbonnes d'air, ce qui peut jouer éventuellement sur la stabilité de la structure qui est affaiblie aussi d'être sous des conditions dans l'eau et aussi avec les courants. Donc, on peut pas se permettre d'y aller souvent ni sur une longue durée. Question de préserver le mieux possible le site archéologique. Et c'est ce problème que l'on veut prévenir éventuellement en pensant peut-être exclusivement à l'utilisation d'un véhicule sous-marin opéré à distance pour se donner complètement accès au site archéologique, mais sans toutefois l'abîmer. D'accord. Alors là, donc, les archéologues ont d'abord découvert l'HMS Erebus en 2014. Oui. Mais tu disais que le HMS Terror venait d'être découvert en 2016. Oui, exactement. Là, c'est vraiment C'est tout récent, ça. C'est tout récent, quelque part, au mois de septembre même. Et l'histoire qui est derrière cette découverte-là, c'est ça qui me fascine. L'archéologie, souvent, on va se baser sur des livres, des récits, sur des vieilles cartes. Mm-hmm. Mais là, on est allé chercher un autre type d'information, c'est les locaux, les gens qui sont dans les environs, qui peuvent aussi des fois nous donner certaines informations. Parce que là, on avait l'équipe de Parc Canada qui était dans les environs de l'île du Roi-Guillaume, donc proche de l'épave du Erebus, pour localiser la nouvelle épave qu'on cherchait. Et en allant chercher un équipier inuit, ce dernier a raconté qu'il avait vu il n'y a pas si longtemps, quelques lieux d'où il était, un genre de gros bout de bois qui sortait de l'eau, qui pourrait ressembler à un mât de bateau. Oui. Donc là, les archéologues se sont rendus à ce c'est point-là. C'est un témoignage extraordinaire. Exactement. Et là, ils se sont dit, ça vaut la peine de laisser nos sonars nous guider. Et bien, comme de fait, on a trouvé si simplement la localisation du HMS Terreur, qui est un peu bizarrement, si on veut, localisé dans la baie de la Terreur. Oh. Mais il paraît qu'il n'y a pas vraiment de lien entre d'accord. les deux. Bon. Ouais. Donc, pour la suite des choses, il reste à voir qu'est-ce qu'on pourra apprendre davantage avec les nouvelles découvertes de Parc Canada. Oui. Et est-ce que tu sais si ce bateau va aussi être fouillé par, soit par des scaphandriers ou par le robot, là? On va sûrement viser le robot, qui va être plus facile, encore une fois, pour la préservation du bateau, de l'épave, en fait. Et est-ce que finalement, les deux épaves sont proches? Quelques kilomètres les séparent, là, mais c'est relativement proche. Ils sont vraiment proches de l'île du Roi-Guillaume. Très bien. Ben, écoute, Marie-Claude, oui, il va y avoir d'autres découvertes et je crois que sur ces bateaux-là, et je pense qu'on peut te faire confiance pour nous rapporter des nouvelles de ces deux épaves. Merci, Marie-Claude. Merci.